Dedi la fures, ya uri uke raja, dedi la fures, ya uri uke raja. Ay mama, se sabies, kumal uri ufazie embej. Ay mama, se sabies, kumal ije si sure kampa. Voulez tout krumpa, la terre et les embrés, voulez tout krumpa, la terre et les embrés. Ay mama, se sabies, kumal uri ufazie embej. Ay mama, se sabies. Les Jessy souraient comme pas. Voulien tout coupable. Dédi loupou skadji. Voulien tout coupable. Dédi loupou skadji. Aïe mama, c'est sa bièce. Pour me louer ou fasier un veg. Aïe mama, c'est sa bièce. Pour me les Jessy souraient comme pas. Voulien à ses cas. Si souré campa, bouillez pas Bastille, la grandeur reste encore. Bouillez pas Bastille, la grandeur reste encore. Bouillez Ardera, c'est qu'en sud et tada. Bouillez Ardera, c'est qu'en sud et tada. Si sous ma renja, passez ma couille. Maman, c'est sa bièce, ou ma serpia d'abouille. Aïe, maman, c'est sa bièce, ou ma nourri ou fasier un veg. Aïe, maman. C'est sa bièce, comme les Jessy souraient comme pas. Si souré campa, si souhaitera, faire un pacha lou chaplé, si souhaitera, faire un pacha lou chaplé, aïe mama, c'est sa pièce, tout mon nourri ou fasé un pêche, aïe mama, c'est sa pièce, tout mon lit, si souré campa, les messages passent, Amanda l'armada, les messages passent, Amanda l'armada, aïe mama, c'est sa pièce, tout mon nourri ou fasé un pêche, aïe mama, c'est sa pièce, Jessy souret campagne. Les cris d'une coussade et la autre et les grenades. Les cris d'une coussade et la autre et les grenades. Les dîmes la foulaise, y'a des ploucs et la tourne. Les dîmes la foulaise, ta femme tombe à l'eau fraise. Aïe mama, oublie d'aime pas, l'ou nous d'en pas, on est rémi fraise. Aïe mama, oublie d'aime pas, l'ou nous d'une jouvée sacrificale.